tard. Il est vraiment trop tard. Trop tard. Pour se sentir libre, on a besoin d'espace. C'est comme ça, c'est comme ça.